7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bon dia la familia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 29 octobre, heureux d'être avec vous. Je peux vous le dire côté météo, ça va pas le faire ce matin, ça caille un petit peu, hein. 10, 11 degrés au lever du jour et malheureusement des nuages et de la pluie et ça va perdurer tout le week-end. Mais on est là pour vous donner le rayon dans le sol. Coucou à Fabien qui a déjà réveillé aujourd'hui, salut mon Fabien, j'espère que tu vas bien. Salut à José, salut à Tony aussi qui est dans son camion. Bandit à la famille du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivier, salut Olivier, la ville d'Olivier, quelle belle ville avec cette belle horloge fleurie là-haut qu'on adore. Et puis tout à l'heure il sera avec nous au téléphone, c'est l'exclusivité de la radio arc-en-ciel. Alors au téléphone bien sûr parce qu'il est à Paris encore, il a enregistré la nouvelle série 2, vous connaissez, The Cleaners. Ouais, la propreté en premier, ça c'est leur devise, les experts du ménage. Claude Tollé sera avec nous au téléphone, des experts cleaners au téléphone. Et je peux vous dire, c'est du très lourd tout à l'heure, donc ne ratez pas cette interview. Ça sera à 8h15. Allez, Claude Tollé qui est entouré de Laura, Leslie, Alexandre. C'est la première saison pour lui. Heureux d'intégrer cette équipe, il nous en parlera plus au téléphone et on en saura plus sur cette émission. Les cleaners. Ce que vous retrouvez sur TFX le mercredi à partir de 21h05. Du son qui arrive avec Sia et Chandelier, c'est sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée en direct à la radio, 7h01. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Le matin c'est bien, Sia pour démarrer. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, bring up my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back till I lose God. Go! On est pas mal au réveil là, 7h05 heureux d'être avec vous. Je vous le disais tout à l'heure au téléphone, il sera avec nous, c'est Claude Tollé, les cleaners, l'émission sur TFX, c'est le mercredi à 21h05. Et j'espère que vous avez fait le ménage chez vous parce qu'il arrive, il va vous donner des bons conseils. En tout cas, il a intégré l'émission coach sportif. Il va nous parler de ce challenge qu'il a réussi. Et puis une belle émission, ce que vous pouvez suivre tous les mercredis sur TFX à 21h05. Ça peut aider certains, je peux vous le dire. Vu le bordel dans certaines baraques, ça peut les aider. Olivier qui me dit. Ah, tu bosses ce matin, enfin, bonne émission. Bah ouais, ça y est, je suis revenu, j'étais un petit peu parti en vacances, hein, au Club Med. Non, pas mal de paperasse en ce moment, mais bon, voilà, je suis revenu ce matin pour accueillir Claude Tollé tout à l'heure, hein, 8h15 au téléphone. Salut Cinti, salut Olivier, salut Joël, belle journée à vous, sous la pluie, malheureusement, la météo qui arrive dans moins de 3 minutes, l'horoscope aussi, avant 8h, et puis le meilleur des souvenirs avec Abba, et c'est Gimme, Gimme, Gimme. Dans la salle de bain, vous avez poussé la musique à fond avec les bons souvenirs disco et Abba, Gimme, Gimme, Gimme, Abba, qui sortent un nouvel album justement. Allez vous le procurer d'urgence, hein, il est énorme. Du son qui arrive avec le meilleur des souvenirs des années 2000, FL65 I'm Blue. Et je vous rappelle, hein, 8h15, il est notre invité au téléphone depuis Paris. Ça sera Claude Tollet, les experts du ménage, les cleaners comme on les appelle. Le quatuor qui est formé par Laura, Leslie, Alexandre et Claude qui seront au téléphone avec nous à 8h15. J'espère que vous avez fait du ménage à la baraque parce qu'ils arrivent. Le meilleur des souvenirs, je vous l'ai dit, c'était en 2000 avec I'm Blue, FL65. Belle journée, bon réveil, la météo et l'horoscope qui arrive. Like him, inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Forcément, ça vous rappelle des bons souvenirs, ça en boîte. Bah oui, les Italiens, parce qu'ils sont italiens. Alors, il y a Maurizio, il y a Gianfranco, et puis il en manque un, Gabriel. FL65, M Blue sur la radio couleur. 7h13, forcément, vous avez vu le film. Ouais, Urban on Fire avec Boogie, Boogie Wonderland. Bon réveil, belle journée. La météo qui arrive. Et vous, qui venez juste de vous réveiller, bon courage. Says, baby, I'm in the way. You say you're. c'est chaud. Maintenant, c'est disco, c'est funky music, old man fire, boogie woogie, wonderland. Heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio. Puis j'ai des bons plans, tiens aussi, si vous cherchez du boulot, eh bien, il y a une société qui recrute un infographiste, un graphiste, pour travailler au siège social de l'entreprise, se situant dans le Loiret, dans le 45, un CDI de 35 heures, du lundi au vendredi, de 8h à 15h30, 13e mois, salaire à définir selon l'expérience. Les débutants sont acceptés, vous êtes infographiste, graphiste, eh bien, vous le contactez, 02 38 43 48 00, et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Voilà, du job le matin, vous allez vous rayer, vous allez travailler, 28 degrés à l'ombre, rappelez-vous de ce tube dans les années 80, voici le remix de Digi Pantelis. On est bien, 7h20, le tube de Monsieur Maurice dans les années 80. Hey, quelle voix, c'est un ancien animateur radio lui, hein, je le dis souvent, mais il avait une voix justement pour faire les pubs radio et un super chroniqueur qui nous a quittés malheureusement dans les années 90. Du son qui arrive avec Mademoiselle Jennifer Lopez, le remix de David Guetta, Under Radio, une belle reprise des années disco. Salut François, salut Stéphane, salut Pascal, salut Olivier, salut Jojo. Il y a du monde ce matin, ah ouais, c'est le week-end. Bah ouais, c'est le week-end qui arrive. Francky dans la radio, heureux d'être là. La météo aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est pas terrible. Hein. 7-8 degrés au lever du jour, on va pas dépasser les 15 degrés. Et la pluie, malheureusement, et les nuages vont faire leur apparition. Et ça sera toute la journée et ça va perdurer malheureusement. And the radio, Mademoiselle Lopez, le remix de David Guetta, c'est sur les ondes de la radio, couleur, 7h20 minutes. Belle journée, bon petit déj à vous, courage à vous si vous êtes sous la douche encore là. Allez, on accélère, on s'abonne, en bas, en haut. Must have fallen out of the hole in your own brown overcoat. They never said your name, but I know just who they meant. Whoa, I was so surprised to show. Jennifer Lopez, le remix de David Guetta, le son disco revu et corrigé version 2012. Heureux d'être là, 8h15, les Cleaners, les experts du ménage sur TFX et tous les mercredis 21h05. Claude Tollet qui vient d'intégrer la saison 2 sera avec nous. Bah c'est ça, écoutez, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui mijote de bon dans le four? 3, il y a tous les rats. 2, 1, Claude Tollet. Oh mon Dieu. Caca. C'est pas un plat d'hier au Saint-Jean-Jacques. Non, ça. C'est un ogre café. Je m'en sers pas. Et là, je me dis, pas possible. J'ai réfléchi pendant un moment à savoir qu'est-ce qui était dans le four. En fait, à mon avis, il y a quelque chose qui est resté dedans. Et ça s'est décomposé, mais desséché. C'est de la cendre, en fait. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mercredi, 21h05. Bah oui, hein. Ils seront au téléphone avec nous tout à l'heure. Claude Tollet, qu'on adore. Bah ouais. Ram, pam, pam. Bah ouais. Voici, Milili. Sur la radio couleur. Belle journée. Bon réveil. Et courage à vous. C'est bientôt le tunnel qui arrive. La fin de la semaine. Ram, pam, pam. 7h24. I see what's on your mind. I see. You try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé, y ram pam pam. Tu as tiré de moi que je démence, y ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé, y ram pam pam. Tu as tiré de moi que je démence, y ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, don't wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy on me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé, y ram pam pam. Tu as tiré de moi que je démence, y ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé, y ram pam pam. Tu as tiré de moi que je démence, y ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, y ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout, dis-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. My soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow, I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Hey, tu m'as bien ciblé, ram pam pam. Tu as tiré de moi que je démence, ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux, ram pam pam. Ça on aime bien la radio hein. Ram pam pam, je sais pas d'où aller trouver les paroles. Pas compliqué hein. Ram pam pam, voilà. Vous chantez déjà, à vous. Ram pam pam, j'adore. Minelli sur la radio couleur. Et allez voir sur YouTube le clip, hein. Y a pas mal de vues quand même hein. Heureux d'être avec vous. 7h27 en direct à la radio. Kevin Kinvey, on adore aussi Insomnie. Et ce titre pour Dodo qui nous écoute, ça tombe bien, il arrive pas à dormir. Aussi Insomnie, Kinvey. Pour moi, les ennuis commencent. Dans le lit, je danse seul face à mes pensées. Un peu de peur et de peine, c'est toujours la même rengaine. Je suis seul face à ces silences. Quand les idées s'élancent, elles m'empêchent d'avancer. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Mais je ne peux combattre mes démons fort au-delà. Mais je sais pourquoi je me sens malheureux. Depuis que j'ouvre les yeux sur le monde, je n'arrive plus à les fermer la nuit. Toutes mes idées se confondent lors d'une rondeau dans ma douce insomnie. Quand mes remords vagabondent. libre. De questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil est insoumis. Fais qu'elle s'en aille. Tes idées qui viennent me hanter la nuit. Fais qu'elle s'en aille. Je n'arrive pas à dormir, je n'ai envie de rien hormis pouvoir enfin me plonger, ne plus me ronger dans les bas de morphée. L'heure tourne, mais moi je ne peux toujours pas fermer les yeux. Même si je suis fatigué, mes pensées me hantent et me tiennent éveillé. Je cherche à mettre en veille mes pensées qui s'en mêlent, me privant de sommeil. Mais je ne peux combattre les démons forts au-delà des mots. Mais je ne sais pourquoi je me sens mal. De questions qui abondent chaque seconde. Mon sommeil est insoumis. Fais qu'elle s'en aille. Mes idées qui viennent me hanter la nuit. Souvenirs me rongent. Fais qu'elle s'en aille. Le passé. Kevin Kinvey avec Insomnie. C'est vrai qu'en France, 17 millions de personnes sont touchées par l'insomnie. Et ouais, pas facile de dormir des fois, on a des problèmes. Ça arrange qui arrive, le cover d'Enrique Iglesias, French version. Et on l'adore cette fille sur la radio. Allume la radio quand c'est ma chanson. Ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, la douleur sommeille. Réunissons la lune et le soleil. Allume la radio quand c'est ma chanson. De tout désormais, des heures du jeu de la nuit. Et même si j'ai tout perdu, tu m'as laissé sans un bruit. Je te jure, je pense à toi. T'oublier, je ne peux pas. Le temps passe lentement et je n'y arrive pas. Si la nuit t'en va encore, tu ne réponds pas. J'attendrai à ta porte jusqu'à ce que je te voie. La nuit, je ne peux même plus fermer les yeux. Quand c'est ma chanson, ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, la douleur sommeille. Réunissons la lune et le soleil. Allume la radio quand c'est ma chanson. Ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, la douleur sommeille. Réunissons la lune et le soleil. J'ai voulu fuir mon passé. Chaque matin j'ai lutté. Je repense à notre histoire, mais je ne peux l'effacer. Buvons à notre santé. Tant que je peux respirer, je te demande simplement que l'on puisse se parler. Allume la radio quand c'est ma chanson. Ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, la douleur sommeille. Réunissons la lune et le soleil. Allume la radio quand c'est ma chanson. Ressens-tu la basse qui résonne? Serre-moi un verre, la douleur sommeille. Chercher ton amour, mais ne me laisse pas dans cette solitude, je t'en prie. Oui, je te le dis, je pourrais changer. Si tu me rappelles, je te promets, nous irons danser. Je veux te voir, oui, je veux y croire. Je voudrais t'aimer encore une fois. Je n'attends que toi, ne me laisse pas. Oh, tu sais que je t'aime. Oh. radio. Bah, c'est pas compliqué le matin, t'allumes la radio. C'est comme ça que ça se passe avec Sarah H, la reprise d'Enrique Iglesias, French version. Et on adore, elle fait plein de belles reprises. Allez voir sur YouTube, vous allez voir, c'est impressionnant. Allume la radio, bah ouais, dès le matin. Allumez la radio, en direct à la radio, justement, c'est Francky, heureux d'être avec vous. Coucou à Elodie qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Francky, merci pour cette version French version, bah ouais. Et puis je vous rappelle, 8h15, il sera notre invité, c'est Claude Tollet, les experts du ménage, les cleaners. Côté météo, jusqu'à 15 degrés. Malheureusement, la pluie et les nuages feront leur apparition aujourd'hui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et ça, normalement, ça devrait perdurer. Ah là là. Mais bon, le sourire, le smile est là. Avec Econ qui arrive, Tequilos avec Pitbull. C'est sur la radio couleur. Belle journée. Bon réveil. El Negrito. El Negrito. Mr. Worldwide. El Blanquito Amandito con el Negrito. Econ. History in the making. Mafio. Dime cuando llego, quítate la ropa que aquí no se duerme. Quiero besarte y hacerte el amor como te gusta a ti. Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí en mi cama. Yo me vuelvo loco si tú me faltas. No tengo. Mami, punto. Hey, Kong, el Negrito y el Blanquito o el Mandito, ya tú sabes, estamos listos. Esta vida de dinero y fama, lo que creas, envidioso, burra, patadrama y todos ellos son animalistas. Eso es porque cuando te digo que te quiero es la verdad. Hey, Angelito, yo no tengo nada, la verdad. Yo doy mi vida por la tuya, mami, la verdad. No, pues son secciones. En mi cama, ça veut dire dans la chambre. Pas encore, j'espère pour vous, de côté de la radio. Vous êtes déjà levé pour aller bosser. Bah ouais, bande de feignasses, droit d'être là, c'est Francky dans la radio. Salut Juju, du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky de nous donner cette patate ce matin, ça fait du bien. Bah ouais, normal, on est là, hein, pour vous donner du plaisir le matin. Avec ce mec qu'on adore, Paul Disco Machine et Sophie and the Giants. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide. hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we made. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, slipped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home, reviens à la maison, voilà, c'est ça. Hypnotized, Purple Disco Machine avec Sofiane de Gantz. On est avec vous, c'est Francky dans la radio. 7h40, I'm coming home. Il a dit rentrer à la maison parce qu'il va pleuvoir. Bah oui. La météo. La météo pour aujourd'hui, vendredi 29. Et c'est bientôt Halloween. J'espère que vous avez passé une bonne, préparé une bonne soirée. Ouais, vous avez peut-être des bons plans. Appelez-nous. 02 38 43 48 00. Côté ciel, des nuages, malheureusement, ce matin. De la pluie aussi. Donc, les bottes, le kawaii à l'ancienne autour de la taille. Rappelez-vous quand vous étiez gamin. Bah, ouais, forcément. Allez, heureux d'être avec vous. Sophie qui est là. Salut Sophie. Belle journée à toi, mon Francky. Stéphane Lemoine. Voilà. Super auditeur. Tony aussi qui est là. Salut mon Tony. Le remix de Camaro, Femme Like You, et 8h15 au téléphone avec nous, Claude Tollet, les cleaners, les experts du ménage seront là au téléphone. Peut-être besoin d'un coup de main pour le ménage, et là ils arrivent en direct. Voici Camaro et Femme Like You. Belle journée sur le 96.2 FM en direct, 7h à 9h. donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps. Wesh, Camaro. On adorait ça à l'époque. Et ça marche toujours hein, dans les boîtes. Hein. Le remix de Femme Like You, Camaro, heureux d'être avec vous. 7h44, c'est Frankie dans la radio. Ouais, voilà un qui arrive. Et c'est Bam Bam Bam. Ah, les clips. Alors les nouveaux clips comme ça. Ah, sympatoche. Bombardé. Continue comme ça, oui, oui, tu me refais. Ne t'arrête pas, nous ferons des jaloux. Quand tu fais pour moi, elle m'a bombardé. Bombardé. Elle m'a bombardé. Bombardé. On ira, baby, où tu voudras. Tu peux m'appeler Red Bull, je ferai planer comme jamais. Toi et moi, à 200 fois ni loin. Baby, baby, et puis comme on dit chez moi. Pété yo, pété yo. Pété yo, pété yo. Pété yo, pété yo. Pété yo. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. C'est à moi, c'est à moi, baby. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. C'est à moi. Je me vois bouger comme ça. De haut en bas, baby, donne tout. Continue comme ça, oui, oui, tu me refais. Ne t'arrête pas, nous ferons des jeunes. Quand t'es faite pour moi, elle m'a bombardé. Bombardé. Elle m'a bombardé. Bombardé. Elle a mis la forme et la manière et elle m'a eu. Te voir bouger de haut en bas, je t'aurais tout donné. Des yeux qui brillent au bas du dos, le boule qui tue. Te voir bouger de haut en bas, je t'aurais tout donné. Vivant heureux, vivant caché, donc parlons tout bas, loin de tous ces jaloux et tout leur coupa, coupa. Je volerai ton cœur et plaiderai coupable, coupable. Baby, t'es la bonne, alléluia. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. T'es à moi, baby. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. T'es à moi. Je me vois bouger comme ça, de haut en bas. Baby, donne tout. Continue comme ça, oui, oui, tu me rends fou. Ne t'arrête pas, nous ferons des jeunes. Quand t'es faite pour moi, elle m'a bombardé. Bombardé. Elle m'a bombardé. Bombardé. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. T'es à moi. T'es à moi, baby. Hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey, baby, hey, hey, hey. T'es à moi. Je me vois bouger comme ça. De haut en bas, baby, donne tout. Continue comme ça, oui, oui, tu me rends fou. Ne t'arrête pas, nous ferons des jeunes. Quand t'es faite pour moi, elle m'a bombardé. Bombardé. Elle m'a bombardé. Bombardé. Radio Arc-en-Ciel avec Where One, elle m'a bombardé. Bah c'est le clip, il y a des belles gonzesses, il y a des belles bagnoles, des beaux bateaux, ouais, sur un sur la plage, ouais, ouais, ça marche toujours ça, la météo qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, au lever du jour, 11 degrés, on ne va pas dépasser les 15. Malheureusement, la pluie et les nuages sont de retour et quasiment pour toute la semaine et même la semaine prochaine jusqu'à au moins mardi, mercredi. En espérant que ça tourne un petit peu. Macalina qui arrive, c'est le son de Kenji Girac. 7h48 au réveil. Peut-être vous, le côté de la radio, appelez-nous, tiens, 02 38 43 48 00. 8h15 au téléphone, Claude Tollé, les clients. Les experts du ménage seront avec nous en direct. Voici Kenji. ma Karina. Je n'ai pas su te dire ce que j'avais en moi. Ma Karina, t'en m'a peur. Ma Karina, ma Karina, ma Karina. Dis-moi que tu regrettes si ne sont pas moi. h 51 avec Kenji en 2007, Macalina, belle journée, bon réveil, Grand Corps Malade qui arrive avec Kim Barrows, nos plus belles années sur la radio Arc-en-Ciel. Belle journée à vous. Passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Je t'envoie un faire-part, le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin. Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Je s'éloigne lentement. Où sont passées? Encore malade, moi aussi je vais parler comme lui, tiens. Moi aussi je vais recevoir Claude Tolé tout à l'heure. Les Gineurs, 8h15, ne ratez pas, voici la reprise de Cabrel et c'est Axel Tony. Pendant tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait. Faire nos repères secrets. Pour mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attends, l'amour comme s'il en pleuvait. Pas facile, nuit sur les galets le matin. Ah ouais, pas facile, 7h57 avec cette belle reprise. Axel, Tony, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Bon, j'espère que vous avez fait un peu de ménage chez vous parce que depuis Paris, ils seront avec nous au téléphone tout à l'heure. C'est les cleaners, Claude Tollet, les experts du ménage sur TFX, la chaîne du groupe TF1, seront avec nous pour nous parler justement de cette saison 2, de cette belle aventure pour Claude Tollet qui est un ami. Et puis, ça sera à 8h15. Et puis c'est tout, du son qui arrive. Welcome to Saint-Tropez, pourquoi pas. Welcome to Orléans, et là, direct la plage, les cocotiers, bah ouais, forcément, c'est Saint-Tropez qui arrive. Welcome to Saint-Tropez. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, get the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With the shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. One, too much money in the bank. Hands at the end of the screaming shack. We're away with Saint-Tropez. One, too much money in the bank. Hands at the end of the screaming shack. We're away with Saint-Tropez. One, spending money in the large amount. On est pas mal à Saint-Tropez chez Jean Rock là, au bord de la piscine. Welcome to, qui venait d'arriver. Ah non, on n'est pas à Saint-Tropez, on est à Orléans dans les bouchons peut-être sur la tangentielle, mais pas grave, on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur avec Jason qui arrive. Et puis on aura aussi, c'est la vie, bah ouais, c'est la vie d'aller au boulot tous les matins. En tout cas, c'est le week-end qui arrive. Côté météo, c'est pas terrible du tout, mais le rayos del sol, il est là, 8h pile du matin. c'est Francky dans la radio. Khaled, c'est la vie, bah c'est comme ça. Belle journée, bon petit déj et bon courage pour le boulot. Dans les bouchons à Orléans, 8h04, salut la famille, je suis heureux d'être avec vous jusqu'à 9h, dans 10 minutes ils seront avec nous, au téléphone les cleaners depuis Paris, Claude Tollé, les experts du ménage, et j'espère que vous avez nettoyé la baraque parce qu'ils arrivent, hein. Bah, sinon ça va être coup de balai. Hein. I'm alive, la Céline, Céline Dion, non, un caribou, le matin, la radio, c'est 8h04, minutes. Francky, bon réveil, jusqu'à 9h. I can't. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So don't fuck with mine. See, I'm out with my girls, I'ma have a good time. Step back with your chit-chat, killing my vibe. See, you can't get too much of a good thing. Swamp here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, okay. Throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah, cruise through life and I'm pulling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Cause money look better when I see it all stacked up. See, you can't get too much of a good thing. Swarm here dressed up in the finest things. Please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. You're cramping. You here for long? Oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Jack Jones, you don't love me. On va être avec vous, 8h11 minutes. Dans 5-6 minutes, ils seront avec nos téléphones. Claude Collet, les cleaners, les experts du ménage. J'espère que vous avez rangé votre chambre aujourd'hui, parce qu'ils arrivent. La météo aussi qui est là. La météo. La météo, le ciel est plutôt chargé, nuageux ce matin, avec beaucoup de nuages et de la pluie malheureusement, et ça va perdurer même toute la semaine jusqu'à 15 degrés, et le beau temps ne devrait pas revenir tout de suite, pas avant la semaine prochaine, donc le week-end sera pourri, c'est pas grave, il y a du son qui arrive, et Bruno Mars, 24 Magic sur la radio couleur, belle journée, bon réveil. black, known to give the color red the blues. Ooh, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. J'adore ça le matin, ça nous réveille. Hein. Avec Bruno Mars, 21 Magic à la radio. Heureux d'être avec vous, c'est Frankie, jusqu'à 9h en principe, si tout va bien. Et j'espère que vous avez fait le ménage chez vous, j'espère que vous avez tout rangé, vous avez tout cleané, parce qu'il arrive au téléphone avec nous. On l'accueille dans moins de 30 secondes, c'est Claude Tollet au téléphone. Cleaners, les experts du ménage, TFX. Il arrive et c'est tout de suite sur la radio couleur. L'invité du jour, et voilà. Arc-en-ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et il est avec nous depuis Paris au téléphone, c'est Claude Tollet, les cleaners, les experts du ménage, et tous les mercredis 21h05 sur TFX. Bonjour Claude. Bonjour Franck, bonjour chers auditeurs, auditrices. Ça va, pas trop tôt le réveil, désolé. Non mais écoute, tu te réveilles toujours en effectuant un peu de ménage pour être sûr d'être bien dans ton appartement. Ouais. Non, plus ça, non, ça va. J'ai l'habitude de me lever quand même relativement tôt avec toutes les activités que j'entreprends. Donc écoute, c'est très bien, Franck, y a pas de soucis. Moi, je vais être honnête avec toi. Chez moi, c'est le bordel. Je suis honnête. Hein, ma femme, elle gueule tout le temps. D'ailleurs, elle me dit ouais, tiens, tu te ferais bien d'appeler les cleaners, ça ferait du bien un petit peu. C'est vrai. Donc tu m'obliges à venir chez toi un jour ou l'autre. Ouais, Franck. Ça va. Il y a un petit peu de travail, pas grand chose, mais un petit peu. Peut-être pas au point de que tu viennes quand même. Il y a d'autres personnes à secourir, je pense. Alors Claude, ouais. Tollet, plusieurs casquettes à ton arc, hein, coach sportif déjà. Ouais. Avant d'avoir intégré la saison 2 des cleaners, des experts du ménage sur TFX, comment t'es venu justement l'idée, ou alors est-ce qu'on est venu te chercher, ou est-ce que c'est toi qui as postulé, comment est venu justement ce goût du nettoyage, Claude? Écoute, pour être honnête, tu sais, je suis, bah, comme tu as dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi notamment consultant sportif pour des émissions. Je suis comédien. Mes heures perdues, donc c'est vrai que tu sais, quand tu recherches différentes missions, différents projets, tu te retrouves aussi à voir, tu peux avoir des projets de TV qui peuvent figurer. Et donc c'est vrai qu'il y a eu cette proposition de d'être animateur pour ce super programme. Opportunité, de toute façon, il ouais. Voilà, y a l'exposition de passer, mais surtout la motivation de venir en aide auprès de personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est vrai que tout s'est bien marié. Donc on a tenté, comme souvent j'ai tenté ma chance sans forcément être forcément en attente derrière. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis écoute, j'ai eu la bonne surprise que mon profil ait été retenu après plusieurs entretiens. Donc ça s'est bien passé. Et comme tu l'as défini au départ, je suis un peu le dans la vie aussi tous les jours, mais le coach coach sportif, coach bien-être de la team. Donc voilà comment j'ai attiré dans la saison 2. C'est du sport aussi, ça. C'est du sport, le nettoyage, Claude. C'est comme un coach sportif, là. Il faut entraîner différemment, mais on entraîne. Mais tu rigoles, mais c'est vrai que c'est endurant, ça demande une organisation, une prépa. Moi, quand je suis en émission, je les prépare aussi du mieux possible, comme quand je gère l'équipe féminine de football de Montigny, ouais. Que j'ai cette année. Non, il y a toute une organisation. C'est de l'endurance, faut être endurant, hein, sinon ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, bien sûr, tu n'es pas tout seul, ce catcheur. Il y a Laura, Leslie, si je me trompe pas, et Alexandre qui t'entoure. Exactement. Ouais. Exactement. Comment se passe donc la relation avec tes nouveaux collègues du nettoyage, on va dire? Écoute, honnêtement, c'est vrai que c'est jamais simple de rentrer dans un groupe qui est déjà constitué. Donc Laura, Leslie et Alex étaient déjà présents sur la saison 1. Donc moi j'étais le petit nouveau de cette saison 2, donc t'arrives, donc faut que tu puisses t'intégrer, faut qu'on puisse t'intégrer aussi, et sincèrement ça s'est vraiment bien passé, ça s'est fait petit à petit, parce qu'on apprend à connaître les uns les autres, on a chacun nos profils, nos caractères, mais vraiment ça s'est vraiment bien passé, et ça je le dis souvent, c'est que lorsque tu es en télévision, que tu veuilles ou non, tu es exposé, donc ça, des fois t'as certains caractères, j'ai pas les termes, mais ça exposition, et malgré tout, tu vois, j'ai eu la chance de tomber quand même sur des personnes simples, bienveillantes, et ce qui n'est pas le cas. Qui sont accros comme toi au nettoyage aussi, il faut dire ce qui est. Ah. Ouais. Alors après c'est vrai que Alex a travaillé une vingtaine d'années dans des restos de gastronomie sur Paris, donc l'expérience tout ça il connaît. Si je me trompe pas, Laura a une entreprise de ménage avec sa maman, et puis Leslie a longtemps aussi travaillé exactement dans le ménage, femme de ménage également. Moi après, enfin j'ai plus un profil, tu sais, de bien-être, le fait d'être, de se sentir bien sur soi, à l'extérieur, c'est important aussi. Voilà, exactement. Je suis un peu un compliment, et c'est vrai que j'ai avec mes petites astuces, tu sais, t'as toujours des petits trucs maison que tu trouves. Mais c'est vrai que moi j'ai un côté vraiment très bien-être, le fait de se sentir bien. Donc forcément, pour se sentir bien à la maison, ça passe par du ménage et voilà, d'avoir l'esprit sain, un corps sain. Et pour une maison saine. Une maison saine, justement. J'ai une question qui revient souvent, qu'on m'a posée sur le site internet de la radio. Est-ce que c'est vraiment comme ça chez les gens, ou alors est-ce qu'il y a un peu d'exagération, ou vraiment quand t'arrives c'est le bordel, c'est dégueulasse, faut dire ce qui est, Claude. Non, tu sais, je vais te dire en toute transparence, franchement, si ça avait été du fake, j'ai tellement d'activités derrière que franchement, de tous les postes, si on te propose 10 000 par émission, mais franchement je ne l'aurais pas fait le programme, vraiment je ne l'aurais pas fait, parce que faut savoir que c'est une forme de dépression dont on ne parle pas, qui reste quand même extrêmement tabou, tu vois, t'as des personnes qui ont plongé parce que t'as eu un divorce, parce que t'as perdu une personne qui était chère, parce que le travail, parce que les maladies, et c'est vrai que là, ce que vous voyez en émission, c'est l'iceberg de pas mal de Français, malheureusement, tu vois. Ouais. On est là, tu vois, au quotidien, dans la rue, tu rencontres les gens, mais on ne sait pas comment c'est chez eux. Et c'est vrai que souvent, on me dit, attends, mais je comprends pas. Moi, des fois, c'est le bordel, mais j'arrive pas à comprendre. Mais parce qu'en fin de compte, malheureusement, ces personnes sont tellement loin, et donc leur entourage contacte, la prod, et on vient en aide, mais non, c'est une vraie forme de dépression dont on ne parle pas assez. Justement, tu dis c'est les proches qui vous contactent, c'est pas forcément la personne en direct, parce qu'ils ont peut-être peur ou honte dans leur vie, justement, par rapport à ça. Et comment justement on sélectionne ce casting des personnes où chez eux plus rien ne va sur le ménage, quoi, aujourd'hui, Claude. Comment on arrive à sélectionner? Comme je dis, il y a une réalité. C'est vrai que quand tu te retrouves dans cette situation, en général, c'est pas toi qui va aller solliciter. Ça peut arriver, hein. Mais c'est vrai que j'imagine qu'ils ont un sentiment déjà de honte. Ils sont tellement loin que heureusement qu'en général ils ont des proches près d'eux. Non, après ce qu'ils font, c'est que t'as différents moyens de communication, mais je sais que la prod reçoit énormément, mais si tu savais, énormément de demandes, et je pense même qu'il y a il y a des situations sur lesquelles on serait peut-être pas prêt au niveau des programmes, mais énormément de sollicitations, et ensuite après c'est la prod, si tu veux, qui fait le tri. Je sais que j'avais une personne de l'équipe qui me disait, je crois qu'il recevait pas moins de je crois 50 mails quand même par jour. Ah oui, quand même, monstrueux. C'est énorme. Ouais. Et après tu dois faire le tri, donc il y a Jeanne, ouais, qui pose une question. Où est située votre base secrète? Je sais pas. Parce qu'on voit descendre dans une espèce de petit tunnel là, et vous arrivez dans un appartement, dans une maison, et alors elle veut savoir c'est où. On a la chance d'avoir un superbe loft sur la planète Mars. Jeanne. Superbe loft. Non, mais on est situé, comme souvent, on est situé sur Paris. C'est vrai qu'on a un lieu. Il est juste fou. Alors moi j'ai un peu du mal. T'as vu, je suis un peu grand. Ouais. Pour plonger dans le. Alexandre aussi, 2,05 m quand même. Ah ben Alexandre, écoute, c'est simple, quand il se lance, il a la tête au départ, il a déjà les pieds quasiment à l'arrivée, donc on a dû un petit peu tricher pour qu'il puisse glisser. Non, mais c'est vrai qu'on a un lieu superbe, on a un cadre magnifique et on s'éclate, vraiment c'est du plaisir. Continuez à vous éclater, le prochain rendez-vous c'est le mercredi à 21h05. Bah écoute, toujours 21h05 sur TFX. Et puis au pire, tu sais, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes, je sais que voilà, ça enchaîne. Il y a MyTF1 avec les rodives. Donc non, on est là, on est en place, et puis on permet de pouvoir proposer des astuces, des tutos sympas. Et puis c'est aussi un moyen de c'est un message qu'on fait passer, c'est que ça peut arriver à tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans cette situation. Faut pas avoir honte. C'est pas évident, je dis ça, hein, mais si on a la chance d'avoir des personnes autour de soi qui nous donnent, qui donnent la main, qui nous aident, faut pas hésiter à demander de l'aide. Faut vraiment pas avoir honte, parce que ça arrive. Et nous, c'est ce qu'on essaie de démontrer sur ce beau programme, parce que ensuite la grande majeure partie, hein, s'en sortent bien. C'est une passe D, nous, si tu veux, que l'on fait, hein. On n'est pas là, on change pas la vie des gens, bien sûr, mais au moins on leur permet de repartir sur de bons pieds. Donc on est fiers vraiment de ça, tous les quatre. Eh bien nous, on est fiers de t'avoir eu à la radio ce matin pendant ces 10 minutes de nettoyage, on va dire. Nettoyage téléphonique. En tout cas, t'auras fait plaisir à beaucoup d'auditeurs de la radio qui m'envoient plein de messages, et ça fait plaisir. T'as le bonjour de Steve qui dit salut Claude, je te suis, merci à toi pour cette bonne humeur ce matin. Voilà, un petit message. Écoute, c'est un vrai plaisir. Après, c'est vrai que souvent je le dis, quand on n'aime pas trop le ménage comme Franck, qui m'interroge ce matin. Non, mais après, plus sérieusement, c'est vrai que pour le bien-être de soi, c'est vraiment important d'avoir sa maison, son appartement dans un cadre idéal. Et c'est vrai que ça en joue vachement sur le moral des troupes, sur dans ton état d'esprit. Donc non, c'est important d'être dans les meilleures conditions. C'est quand même le lieu où on passe le plus de temps dans notre vie. Donc non, faut quand on peut, bien sûr, on peut pas négliger. Et ben promis, je vais nettoyer en rentrant. Allez, c'est promis. Claude, je te remercie de nous avoir accordé ce petit quart d'heure en direct sur Radio France à Orléans dans le 45. Et écoute, c'était un grand plaisir d'avoir échangé avec toi. Ça fait longtemps, donc j'espère te revoir très bientôt. Hein. Et quand tu veux, tu passes à Orléans, t'es le bienvenu à la radio, Claude. Hein. Avec plaisir, c'est pas très loin, Paris-Orléans. Ouais. Et prochain rendez-vous, mercredi 21h05, c'est ça? C'est ça. 21h05 sur TFX, les experts du ménage de Cleaners, avec Claude, avec Laura, Leslie et Alexandre. Ne les ratez surtout pas, vous allez faire un bon coup de nettoyage chez vous, j'en suis sûr avant. Merci Claude. Merci à toi Franck, merci à tout le monde. Belle journée. Merci à toi. Merci. En direct, merci Claude. If I'm tripping, let you in. Don't be shocked by my obsession. And just like be the one. Let's skip the conversation. Just wind your body up. No lo tengo tuteado. Cuando lo bailo de lado. Y un empujo lo tengo sumado. Con mi cadera lo tengo amarrado. What you doing, what you doing? Get me up. Winding up your body, you don't have to stop. My temperature is rising. Want you more than before. It's an animal attraction. Wind your body up. Avec le meilleur de Nido sur la radio couleur, ça m'a fait plaisir d'avoir Claude Tollé. Je vous rappelle l'émission mercredi 21h05 sur TFX, ne ratez pas. Alors à saison 2 avec Claude, avec Alexandra, avec Leslie, avec Alexandre pardon et Laura. Et ouais, superbe émission de nettoyage pour vous peut-être, ça va vous donner des idées, j'en suis sûr. Donc rendez-vous mercredi 21h05 sur TFX. Voici Kenji. Ça fait plus d'une semaine que je suis qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh, oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu. Ça fait déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? Hey, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu. Dis-moi que tes règles. Si je ne le suis pas, que Dieu me jette dans le fuego. Alors dis-moi tout et soigne ma parade. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi aveugle. Tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux. Notre amitié m'est plus chère que ces bons dieux. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Oh mais miresmas, miresmas. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Tu juegas con el peligro. Oh mais miresmas, miresmas. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Et tu juegas con el peligro. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Et tu juegas con el peligro. 7h, 9h. Le matin, c'est bien, et c'est Franky, arc-en-ciel. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Babe, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous asservir. Hey, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Chocolat, ses yeux se sont posés sur moi. Il m'a eu, oh. Je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi. Je l'avoue, oh. Qu'il en faut plus pour partir avec moi. Même si au fond je le veux, hey. Prends les devants et fais-moi rêver. Oui, j'ai réuni toutes mes affaires. On va où, on fait quoi, on s'enfuit. On s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre je sais qu'il m'a conquise. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je me montrerai les doigts. Sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, chocolat, chocolat, c'est quoi, vous prenez quoi le matin, vous, chocolat, café, je sais pas, aller, peut-être. Heureux d'être là avec l'artiste, avec Ava, Imani, chocolat, dis-moi qui tu es, je te dirai où tu vas. Voilà, heureux d'être là, Paula qui est là, salut Francky, merci pour ta bonne humeur, et merci pour ce bel interview de Claude Tollé, les experts, ouais, du ménage, cleaner, qui était avec nous au téléphone il y a moins de 10 minutes. Retrouvez-les mercredi 21h05 sur TFX Group TF1. Voilà, des sons qui arrivent avant la météo. La météo. Et le ciel est chargé, nuageux ce matin, et malheureusement la pluie va arriver, et ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et bah oui, ça va perdurer. Les températures, on va pas dépasser les 15 degrés, donc prévoyez l'imperméable, le caouet, les bottes au cas où, aujourd'hui, voilà, ça vous protégera certainement. Et les Goulding qui arrivent, un peu de douceur dans ce monde de brut. Oui, Love Me Like You Do, ça va vous rappeler un certain film, ça. Voici la belle Ellie Goulding, la version Kizomba. Cause I'm not thinking straight. Bon, j'espère que vous avez trouvé le film. Et vous m'appelez en direct 02 38 43 48 00. Puis là, vous êtes en voiture, dit mais c'est ça, c'est ça. Bah, je sais pas, appelez-moi, on verra. 02 38 43 48 00. Du son Caliente avec Luciano. On aura bientôt au téléphone à la radio. Voici Damien Besso. Bah donne-moi un bisou, voilà, dès le matin. Un petit bisou d'amour, ça fait du bien. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Jusqu'à 9h, l'horoscope qui arrive. Et puis du son Caliente en direct à la radio. Ça me fait plaisir. 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut en direct. Et l'horoscope. L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, on démarre avec les béliers. Les béliers, vous rayonnez de bonheur et savez en faire profiter les autres. Les taureaux, vous serez tentés de remettre en question les sentiments qui vous lient à votre partenaire. Les gémeaux, célibataires, votre charme fera bien des envieux. Les cancers, vous ferez un effort pour établir un climat plus chaleureux au sein de votre famille. Les lions, quelle chance, une nouvelle inattendue pourrait venir chambouler votre petit train-train. Ah, les lions, c'est monsieur Laurenceau, bah voilà les lions. Les vierges, des rencontres excitantes enflammeront vos sens et votre soirée. Les balances, les célibataires, vous pourriez bien faire une rencontre charmante cette fois. Ah, pourquoi pas les balances, tiens, dès le matin. Les scorpions, vous avez probablement commis quelques impairs ces derniers temps et votre partenaire vous boude. Les sagittaires, vous sentez une tension intérieure qui s'éteint. Vous serez enfin plus détendu. Les capricornes, célibataires, vous êtes prêts pour un coup de foudre aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe, ça peut arriver, hein. Les verseaux, votre partenaire trouvera vos sauts d'humeur un peu difficiles aujourd'hui. Et les poissons, vous vous sentirez sûr de vous et de vos sentiments. Belle journée aujourd'hui. C'est le week-end qui arrive, on est en direct à la radio et ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça le matin et tous les matins même avec Anna qui arrive et à noter le coup là. Conseil, monsieur Lorenzo qui arrive dans quelques minutes. Il est tout beau, il est rasé. Ah, ça fait du bien. Et puis, il sort au Zénith d'Orléans le 21 janvier. La radio française, les partenaires. Voici Tony Carrère. Ça, je le dis bien. Juste avant l'arrivée de monsieur Lorenzo. Une belle journée, un bon week-end. Et nous, on va se retrouver, lundi, 7h, 9h. Voici Tony Carrère. Vais? Onde estás agora, desde aquela hora que tudo acabou? Como é que tu vais? Já tens outra vida, ou a dor ainda nem sequer passou? Como é que tu vais? Estás feliz assim, ou choras por mim? E não queres dizer como é que tu vais?

Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Agent mandataire pour le réseau immobilier IAD France, sur le secteur du Loiret. Mon rôle, vous accompagner dans la réalisation de votre projet immobilier, que vous souhaitez acheter, vendre ou tout simplement faire estimer gratuitement votre bien. Vous cherchez à vendre ? Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre bien immobilier, jusqu'au rendez-vous chez le notaire. Vous souhaitez acheter ? Je vous propose un bien immobilier suivant votre cahier des charges. Et vous accompagne également chez le notaire. Contactez-moi, Nicolas Doval-Alves, au 07 67 53 23 42, réseau IAD France. Au son d'une guitare. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise son bal anniversaire le samedi 6 novembre à partir de 20h30 à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Pour une partie de rouge-gorge avec les groupes folkloriques Ronda Mignotte, Huge Mignotte de la Chapelle. Le groupe Enigma animera le bal jusqu'au petit matin. Puis Nelson Costa et ses danseuses, le grand de l'accordéon venu du Portugal. Pour une soirée comme on les aime. Joignez-nous le 6 novembre à Montition. Prix préférentiel pour nos adhérents, passe sanitaire obligatoire. Ora, vira, meu amor, toca a virar. Mais um copo pra animar, pois assim é que é.